Depuis tout jeune, j'écoutais ça. La vengeance sale, le goût des armes. Trop de boum boum jack pour un clic clic pas. Mauvais œil, mauvais exemple depuis le départ. La rage dans les viseurs, donc jamais on rétrograde. Coupe ma rime entre la balle et le percuteur. Quitte une vie, un traché en moins d'une seconde, tu meurs. Thématique en acier trempé. Assez parlé, ça s'agite, ça yeah. D'où je viens, ceux qui me regardent le savent. La province écoute ça, je veux qu'un maximum le sache. Trajet d'une balle entre le tueur et sa victime. Trajet d'une balle entre l'auteur et sa cible. On suit le trajet des balles. Beaucoup se perdent, peu de proches qu'on dévoile comme une balle de revolver. Sourire aux lèvres, je pense souvent à mon père Lucas Dédi. Tous mes textes sont mon trajet vers l'enfer. On suit le trajet des balles, de la poudre sous les ongles. Notre trajectoire héritable font des victimes sur les ongles. De la bouille sur le sol, au fourgon de la mort. On suit le trajet des balles, entre la vie et la mort. On suit le trajet des balles, de la poudre sous les ongles. Notre trajectoire héritable font des victimes sur les ongles. De la bouille sur le sol, au fourgon de la mort. On suit le trajet des balles, entre la vie et la mort. Un impact dans le thorax, la douleur anesthésie. J'ai le poids pendant l'orage, sur toutes ces années terribles. Je reviens sur le trajet dont l'objectif est stérile. D'une vie qu'on a bragée avec un dénouement terrible. L'ambiance s'éternise, ces instants s'éternisent. J'attends que ça se termine sur les chemins interdits. Mettant en parallèle nos vies graves et crades et les balles qui les percutent, étudiant leur trajectoire. Souvent dans les bons coups, attention le vent tourne. On reste à 100%, évitant les vautours. Ici les faux sont sourds, alors écoute à couche des saouls. Véridique à bout ma couille, avoue que ça coule de source. Que les trajets de ma page et sa destination. Celle des autres veulent m'abattre, c'est par infiltration. Je connais le trajet de ta balle et tes inspirations. Mais c'est la mienne qui va t'abattre, couper ta respiration. On suit le trajet des balles, de la poudre sous les ongles. Notre trajectoire héritable font des victimes sur les ongles. De la bouille sur le sol, au fourgon de la mort. On suit le trajet des balles, entre la vie et la mort. On suit le trajet des balles, de la poudre sous les ongles. Notre trajectoire héritable font des victimes sur les ongles. De la bouille sur le sol, au fourgon de la mort. On suit le trajet des balles, entre la vie et la mort.